nommé Leroy Brown. Il se disait artiste, il était beau, il était grand, avec une façon de faire les choses comme ça, que je suis tombée dans ses bras. Bye, bye, Leroy Brown. J'étais tendre et naïve, et je croyais ce qu'il disait. Il avait sa manière de dire bébé viens là, que je ne pouvais plus répondre de moi. Oh c'était fantastique, encore mieux qu'au cinéma. L'argent, l'amour et puis il y avait le risque, et c'était toujours Leroy et moi. Bye, bye, Leroy Brown. Oui, pour les femmes, tu es le number one. Tu m'as prise à ton piège, et je ne peux vivre sans toi. Oh, c'était la vie facile, voiture, chauffeur et puis tout ça. Partout où l'on allait, lorsque les gens parlaient, c'était encore de Leroy et moi. Mais la fin de l'histoire, c'est que je n'aime pas partager, et qu'il n'a jamais pu résister à une femme, c'est là que la corde a cassé. Alors bye, bye, Leroy Brown. Oui, pour les femmes, tu es le number one. Tu m'as prise à ton piège, et maintenant c'en est assez. Alors j'ai dit merci l'artiste, ton numéro est terminé. Je travaille en solo, je n'ai plus besoin de toi. Il n'y a plus de Leroy et moi. Allez, bye, bye, Leroy Brown. Oui, pour les femmes, tu es le number one. Mais tu n'as pas su me garder.